Chapitre 14e. Van Kloppen, l'illustre tailleur pour dames, connaît son Paris, hommes et choses, sur le bout du doigt. Comme tous les industriels dont les opérations sont basées sur de larges crédits, il a besoin de quantités de renseignements qu'il puise un peu partout et qu'il n'oublie plus. Sa tête carrée est un beau teint revu et augmenté qu'il laisse feuilleter à ses amis. Aussi, lorsque B. Mascaro lui avait parlé du père de cette brune Flavie, dont les yeux avaient si fort impressionné Paul Violaine, l'arbitre des élégances avait répondu sans hésiter « Martin Rigal, connu, c'est un banquier. » Banquier, M. Martin Rigal, l'est en effet, et il habite une des plus belles maisons de la rue Montmartre, presque en face de Saint-Eustache. Son logement particulier est situé au second étage, ses bureaux occupent tout le premier. Pour n'avoir pas son nom inscrit au livre d'or de l'aristocratie financière, M. Martin Rigal n'en est pas moins très connu, extrêmement puissant et suffisamment estimé. Il est en relation surtout avec ce petit commerce parisien qui vivote plutôt qu'il ne vit et qui se trouverait heureux sans ce fantôme périodique implacable qui s'appelle l'échéance. Tous les gens qui s'adressent à lui, ou presque tous, il les tient dans la main. Que deviendrait-il si fantaisie lui prenait de fermer ses guichets? Il manquerait à leurs engagements, les jugements arriveraient à la suite des protêts, puis la faillite, la ruine. Il peut donc tout oser, et il ose, il use et il abuse. Son despotisme n'admet pas d'objection. Si, en présence d'une nouvelle mesure, quelque audacieux risque un « pourquoi ?», on lui répond nettement « parce que ». Et pas autre chose avec. C'est le caissier, bien entendu, qui répond cela. Et non, monsieur Martin Rigal. Lui, on ne le rencontre guère. Dans la matinée, il est toujours invisible. Il travaille dans son cabinet à l'extrémité des bureaux. Et pas un de ses employés ne serait assez hardi pour aller frapper à sa porte. À quoi bon, d'ailleurs? Il ne répondrait pas. L'expérience a été tentée. Le feu prenant la maison ne le tirerait pas de ses comptes. Physiquement, M. Martin Rigal est grand et chauve. Sa face osseuse est toujours scrupuleusement rasée, et ses petits yeux gris ont une inquiétante mobilité. Lorsqu'il parle, si un mot lui échappe, s'il poursuit une idée, il promène sur son nez l'index de sa main droite, c'est son tic. Sa politesse est parfaite. C'est d'une voix de miel qu'il dit les choses les plus cruelles. Il ne manque jamais de reconduire jusqu'à la porte, avec force salutation et excuse, les gens auxquels il refuse de l'argent. Dans son costume, il affecte cette sorte d'élégance juvénile qui est un trait des mœurs des manières d'argent de la jeune école. En dehors des affaires, il est aimable, obligeant et spirituel par-dessus. Volontiers, il recherche les douceurs qui aident à traverser la vie, cette vallée de larmes. Il ne déteste pas un bon dîner et n'a jamais boudé un jeune et joli visage. Cependant, il est veuf et on ne lui connaît qu'une passion au monde, sa fille unique, sa Flavie. Il est vrai que son amour paternel a quelque chose du fanatisme idiot de l'Indien qui se fait écraser sous les roues du char de son idole. La maison Martin Rigal n'est pas montée sur un fort grand pied, mais on dit dans le quartier que Mademoiselle Flavie a des dents aiguës à croquer des millions. Le banquier ne va qu'à pied. C'est hygiénique, prétend-il, mais sa fille a une jolie voiture attelée de 2 chevaux de prix pour aller au bois, sous la protection d'une duègne moitié domestique, moitié parente, qu'elle a fini par rendre un peu folle. M. Martin Rigal en est encore à répondre « non » à une fantaisie de Flavie. Parfois, des amis ont essayé de lui faire entendre que cette adoration perpétuelle préparait à Flavie un avenir très malheureux. Sur ce chapitre, il est intraitable. Invariablement, il répond qu'il sait ce qu'il fait, et que s'il travaille comme un cheval, c'est à la seule fin que sa fille puisse se permettre tout ce qui lui passe par la tête. Et c'est vrai, au moins, qu'il travaille à lui seul autant que tous ses employés ensemble. Après être resté depuis le matin le nez sur des chiffres, à 4 heures du soir, il ouvre son cabinet et reçoit ceux qui ont à l'entretenir d'affaires. Ainsi, le surlendemain du jour où Paul Violaine et Flavie s'étaient rencontrés chez le couturier célèbre, sur les 5h30, M. Martin Rigal donnait audience à une de ses clientes. Elle était très jolie, toute jeune et mise avec une simplicité charmante. Mais elle paraissait bien triste. Ses beaux yeux étaient pleins de larmes, à grand-peine retenus. « À vous, monsieur, disait-elle, je dois l'avouer. Si vous nous refusez notre bordereau, comme le mois passé, il nous faudra déposer notre bilan. Nous avons fait argent de tout pour les chances de janvier. Tous les bijoux dont je pouvais disposer, sans qu'on s'en aperçût, sont au mont de piété. Nous mangeons dans du fer. » « Pauvre petite femme, murmura le banquier. Ce mot lui donna plus d'assurance. « Et pourtant, reprit-elle, notre position n'a jamais été meilleure. Voici notre établissement payé, la vente marche très bien. » Elle s'exprimait d'un petit air entendu qui semblait charmer M. Martin Argal, s'expliquant clairement, nettement. La Parisienne excelle en ces démarches difficiles. Plus futée que son mari, pleine de confiance en soi, elle garde l'esprit libre là où il perd la tête. Aussi, le plus souvent dans les crises du petit commerce, pendant que l'homme se désole, c'est la femme qui agit. En écoutant l'exposé d'une situation qu'il connaissait fort bien, le banquier dodelinait sa tête chauve. « Tout cela est fort joli, » dit-il enfin. « Mais ne rend pas meilleures les signatures que vous m'offrez. Si j'avais confiance, ce serait en vous. Oh, monsieur, nous avons plus de 30 000 francs de marchandises en magasin. Ce n'est pas cela que j'ai voulu dire. » Il souligna ces mots d'un sourire et d'un regard si singulièrement expressif que la pauvre femme en rougit jusqu'à la racine des cheveux et perdit presque contenance. « Comprenez donc, » reprit-il, « que vos marchandises ne me donnent pas plus confiance que vos valeurs. Supposez un malheur. Que vendrait-on tout cela ? Sans compter que ces diables de propriétaires ont des privilèges. » Il s'interrompit. La femme de chambre de Flavie, s'autorisant du despotisme de sa maîtresse, entrait dans le cabinet sans frapper. « Monsieur, mademoiselle vous demande tout de suite, tout de suite !» M. Martin Argal se leva. « J'y vais, » répondit-il, « j'y vais. » Et prenant la main de sa cliente pour la mettre au plus vite dehors, il ajouta « Voyons, ne vous désolez pas. Revenez me voir, nous arrangerons cela. » Elle voulait le remercier, mais déjà il s'était élancé dans l'escalier. Si Flavie avait envoyé chercher son père, c'est qu'elle tenait à lui faire admirer sa toilette Nobel que venait de lui envoyer Von Kloppen, qu'elle essayait et qu'elle trouvait miraculeuse. Il est de fait que le couturier des reines, outre qu'il avait été d'une rare promptitude, s'était surpassé. Le costume de Flavie était un de ces chefs-d'œuvre de mauvais goût, à la mode hélas, qui donne à toutes les femmes une même et odieuse tournure de poupée, imaginée, croirait-on, pour leur enlever d'un coup de grâce distinction et poésie. Ce n'était que garniture, découpure et dentelure, jupe étagée, couleurs désagréables bizarrement assemblées. Von Kloppen avait été fidèle à son système, car il a un système qu'il résume en deux axiomes fort clairs. Premièrement, donner aux robes une coupe telle que, sitôt défraîchie, elle soit absolument inserviable. Deuxièmement, rechercher les étoffes bon marché, ceux qui plaît au mari, et multiplier les garnitures qui sont la bouteille à l'encre des modes. Il a trouvé cela, ce Hollandais madré, et il n'est plus une couturière bourgeoise qui ne s'efforce de profiter de sa découverte. Seulement Flavie se soucie infiniment peu de la question économique. Debout, au milieu du salon paternel, dont elle venait de faire allumer les lustres, car le jour baissait, elle étudiait quelques effets nouveaux, c'est-à-dire qu'elle répétait sa toilette. Et en vérité, elle était si naturellement jolie, mignonne, gracieuse, que l'œuvre de Von Kloppen ne l'enlaidissait presque pas. Mais tout à coup, elle se retourna. Elle venait d'apercevoir dans la glace son père qui entrait tout essoufflé d'avoir grimpé si vite les escaliers. « Comme tu as tardé !» lui dit-elle. Certes, il n'avait pas perdu une seconde. Cependant, il s'excusa. « J'étais avec un client, de sorte que... »« Eh, il fallait le renvoyer !» Il allait chercher d'autres explications encore, mais la jeune fille se tint pour satisfaite. « Voyons, père, » commença-t-elle, « ouvre les yeux bien grands, regarde-moi et dis-moi, « Oh, franchement, comment tu me trouves ?» Point n'était besoin de le lui demander. L'admiration la plus parfaite s'épanouissait sur sa physionomie. « Charmante, » murmura-t-il, « divine !» Si accoutumée qu'elle fût au parfum de l'encens paternel, Flavie parut enchantée. « Alors tu crois que je lui plairais ?»« Lui, c'était Paul Violaine. » M. Martin Argal ne le savait que trop. Il soupira profondément en répondant « Comment veux-tu ne pas lui plaire ?»« Hélas, » fit-elle, devenant songeuse, « s'il s'agissait de tout autre, je ne douterais pas de moi, je ne craindrais rien. Je ne sentirais pas ces transes cruelles qui me serrent le cœur. » M. Martin Argal était assis près de la cheminée. Il attira sa fille par la taille pour lui mettre un baiser au front, et elle, avec des mouvements coquets et onduleux de jeune chatte guettant des caresses, elle s'établit sur les genoux de son père. « C'est que vois-tu, » continuait-elle, poursuivant sa pensée, « s'il allait ne pas faire attention à moi, si je lui déplaisais. Tiens, père, je le sens, j'en mourrai. » Le banquier détourna la tête pour cacher sa douloureuse impression. « Tu l'aimes donc bien ?» demanda-t-il. « Oh, plus que moi. » Flavie prit entre ses mains la tête de son père et la secoua doucement, tout en riant d'un petit rire sonore et pur comme le tintement du cristal. « Que t'es bête, pauvre père, » disait-elle, « que t'es bête. Je te demande un peu si cela peut se comparer. Toi, je t'aime parce que tu es mon père, d'abord. Je t'aime ensuite parce que tu es bon, que tu veux tout ce que je veux, que tu dis toujours oui. Je t'aime parce que tu es comme les enchanteurs des féeries. Tu sais, qui sont bien vieux, qui ont des barbes, qui n'en finissent plus, et qui réalisent tous les souhaits de leurs filleuls. Je t'aime pour cette bonne vie heureuse que tu me donnes, pour ma voiture, pour mes jolis chevaux, pour mes belles toilettes, pour les pièces d'or neuves dont, sans te lasser, tu emplis ma bourse, pour cette parure de perles que j'ai au cou, pour ce bracelet, pour tout, enfin. » L'énumération était désolante. Chaque mot trahissait un égoïsme féroce en sa naïveté. Et cependant, le banquier écoutait d'un air riant, ravi, engourdi dans une sorte de béatitude irraisonnée. « Et lui ? » interrogea-t-il. « Oh, lui ! » répondit Flavie, devenue subitement sérieuse. « Lui, je l'aime parce qu'il est lui, d'abord. Puis parce que je l'aime. » L'accent de la jeune fille trahissait une telle intensité de passion que le pauvre père ne put retenir un geste de colère. Elle vit ce geste et éclata de rire. « Vilain jaloux ! » fit-elle de ce ton qu'on prend pour faire honte à un enfant d'une faute légère. « Fille, que celle-là, monsieur ! Vous montrez le poing à cette pauvre fenêtre ? Parce que c'est de cette fenêtre que j'ai aperçu mon Paul pour la première fois. C'est mal, monsieur, c'est très mal. » Comme l'enfant pris en faute et grondé, M. Martin Rigal baissa la tête. « Eh bien, » reprit Flavie, « je l'aime, moi, cette fenêtre, qui me rappelle les plus fortes et les plus douces émotions de ma vie. Voilà pourtant 4 mois de cela. Tiens, père, il me semble que c'était ce matin. J'étais venu me mettre à la fenêtre, sans savoir pourquoi, et on dit que nous sommes maîtres de nos destinées. Quelle folie ! Je regarde machinalement quand, tout à coup, à la croisée de la maison d'en face, je l'ai aperçu. Ça a été comme un éclair. Mais cette seconde a suffi pour décider de ma vie. Moi, qui jamais n'avais rien senti là. » Elle mettait la main sur son cœur. J'ai éprouvé une douleur épouvantable, aiguë, la sensation d'un fer rouge. Le banquier paraissait être au supplice, mais sa fille ne s'en apercevait pas. Toute la journée, poursuivait-elle, j'étais comme jamais. Il me semblait qu'il n'y avait plus d'air pour respirer. J'avais comme un poids immense là, au creux de la poitrine, et autour de la tête un cercle de fer. Ce n'était plus du sang qui circulait dans mes veines, mais de la flamme. La nuit, impossible de dormir. Je frissonnais, j'étais trempé de sueur. Sans savoir pourquoi, j'avais peur, je tremblais. Le banquier secoua tristement la tête. « Flavie, murmura-t-il, chère adorée, pauvre folle enfant, que ne t'es-tu confiée à moi alors ? J'en avais envie, eh bien, je n'ai pas osé. » Monsieur Martin Rigal leva les bras au plafond. Il prenait le ciel à témoin que si sa fille n'avait pas osé, ainsi qu'elle le disait, elle n'avait pour cela aucune raison, aucune. « Tu ne comprends pas cela, » fit Flavie. « Ah, voilà, tu as beau être le meilleur des pères, tu es un homme. Si j'avais une mère, elle me comprendrait. » Mais qu'aurait fait ta pauvre mère, que je n'ai tenté, essayé ?» murmura M. Martin Rigal. « Rien, peut-être, tu as raison. Parce que vois-tu, il y a des jours où je ne me comprends pas moi-même. » Et cependant, va, après cette première aventure, j'ai été terriblement courageuse. J'avais juré que jamais, non, plus jamais, je n'ouvrirais cette croisée. J'ai lutté 3 jours, oh, lutté comme il n'est pas possible. Le 4e, je n'y ai plus tenu. J'ouvre, je regarde, il était à la fenêtre, lui aussi, le front appuyé contre la vitre, et triste, si triste que je me suis mise à pleurer. Le banquier, cet homme si dur que jamais le désespoir d'un client malheureux ne l'avait touché, avait lui-même les yeux pleins de larmes. « Depuis, » reprit Flavie, dont la voix avait une douceur pénétrante, « depuis je n'ai plus résisté. Est-ce qu'on lutte contre la destinée ? Tous les jours, je me mettais à la fenêtre. J'ai eu bien vite deviné ce qu'il faisait. Il donnait des leçons de piano à ces deux longues demoiselles si maigres que nous rencontrons quelquefois. Pauvre garçon. J'épiais son arrivée et aussi sa sortie. Si tu savais, père, comme il avait l'air malheureux. Il y avait des jours où il était si pâle, où il se traînait si péniblement que je me demandais s'il avait mangé. Te fais-tu une idée de cela, lui, souffrir la faim lorsque moi je suis riche, car nous sommes riches, n'est-ce pas ? J'avais fini par connaître toutes les expressions de sa physionomie. Tiens, Quand il était content, il faisait comme cela, avec son bras. » Elle imitait en même temps un geste de Paul, geste qui lui était familier quand il lui arrivait quelque chose d'heureux. « Mais hélas, » continuait Flavie, « un jour il a disparu. Pendant une semaine, je suis resté à la fenêtre, attendant, espérant, en vain. C'est alors que je suis tombé malade, et que j'ai tout avoué, et que je t'ai dit, « Celui-là est mon mari, je l'aime. » C'est d'un air sombre et avec une visible contrainte que Miss Martin Regal écoutait ce récit que Flavie lui répétait pour la 100e fois au moins depuis 3 mois. « Oui, murmura-t-il, c'est bien ainsi que tout s'est passé. Tu étais malade, je te voyais déjà mourante. Je t'ai promis que ce jeune homme, cet inconnu dont tu ne savais même pas le nom, serait ton mari. » Dans un élan de reconnaissance, la jeune fille jeta ses bras autour du cou de son père et couvrit son front de baisers sonores. « Et aussitôt, reprit-elle, j'étais guérie. Et tu tiendras ta parole, n'est-ce pas ? Oh, père chéri, je t'aime pour cela plus que pour tout le reste. Dire que le jour même, rien qu'avec les renseignements que je te donnais, tu t'es mis en quête de mon mystérieux artiste. Hélas, je suis sans force contre tes volontés. » Flavie se redressa, menaçant gaiement son père d'un mouvement mutin. « Que signifie cet hélas, monsieur ? » demanda-t-elle. « En seriez-vous, par hasard, à regretter votre bonté parfaite, votre obéissance ?» Il ne répondit pas. Il regrettait, en effet. « Par exemple, » reprit Flavie, « je donnerais bien mon beau collier pour savoir comment tu t'y es pris pour le découvrir. Pourquoi ne m'as-tu jamais conté le plus petit détail ? Voyons, ne me cache rien. Qu'as-tu imaginé pour arriver jusqu'à lui, d'abord, et ensuite pour l'amener jusqu'à nous sans éveiller ses soupçons ?» Monsieur Martin Regal sourit bonnement. « Ceci, » répondit-il, « est mon secret. » « Soit, garde-le. Au fait, que m'importent les moyens employés, puisque tu as réussi. » « Car tu as réussi, n'est-ce pas ? Je ne rêve pas, je ne deviens pas insensé. » « Ce soir, avant 1 heure, dans quelques instants peut-être, le docteur Hortebise va nous le présenter. » « Il s'assoira à notre table, je le regarderai à mon aise, j'entendrai le son de sa voix. »« Folle !» interrompit le banquier, « malheureux enfant !» Elle ne pouvait pas ne pas protester. « Oh » répondit-elle vivement. « Folle, peut-être. Mais malheureuse, pourquoi ?»« Tu l'aimes trop, » répondit le banquier, avec l'accent d'une conviction profonde. « Il abusera. Lui ?» Et la jeune fille, avec la certitude admirable de la passion. « Lui, jamais. »« Fasse Dieu, pauvre cher adoré, que mes pressentiments me trompent. Mais que veux-tu ? Ce n'est point là l'homme que je rêvais pour toi. Un artiste. » Flavie, sérieusement fâchée cette fois, quitta les genoux de son père. « Et voilà donc, » s'écria-t-elle, « tout ce que tu trouves contre lui, il est artiste, serait-ce un crime ? Que ne lui reproches-tu aussi sa misère ? Oui, il est artiste, mais il a du génie, je l'ai lu sur son front. Oui, il est affreusement pauvre, mais je suis assez riche pour deux. Il me devra tout, tant mieux. Quand il aura de la fortune, il ne sera pas forcé de s'épuiser à donner des leçons de piano. » Il lui sera permis d'utiliser son talent. Il écrira des opéras comme ceux de Félicien David, plus beaux que ceux de Gounod. On les représentera dans les théâtres et les salles crouleront sous les applaudissements. Moi, cependant, toute seule, au fond d'une loge fermée, je m'enivrerai de la gloire de l'élu de mon cœur. Le monde aura la poésie, moi, j'aurai le poète, et quand je le voudrai, c'est pour moi seul que chanteront ces divines mélodies. » Elle parlait avec une exaltation extraordinaire, si pénétrée de son rêve qu'elle ressentait, dans toute leur intensité, les sensations exactes de la réalité. Mais elle dut s'arrêter, une quinte de toux lui coupait la parole. Et pendant que les efforts secouaient sa poitrine et que le sang affluait à ses pommettes, M. Martin Regal la contemplait avec une expression navrante. La mère de Flavie avait été emportée à 24 ans par cette implacable maladie qu'on nomme la phthisie galopante, qui ne pardonne pas, qui est le désespoir de la science impuissante, et qui en 15 jours, d'une fille rayonnante de vie et de santé, fait un cadavre. « Tu souffres, Flavie ?» demanda le banquier d'un ton qui trahissait une inquiétude trop poignante pour pouvoir être complètement dissimulée. « Moi, souffrir ? » répondit-elle avec un regard extatique. « Ce serait donc de joie ?» Monsieur Martin Regal eut un geste terrible. « Par le tonnerre du ciel !» s'écria-t-il, « si jamais ce misérable te fait verser 1 larme, c'est un homme mort. » L'accent du banquier était à ce point menaçant que sa fille eut presque peur. « Qu'as-tu, père ? » demanda-t-elle. Qu'ai-je dit qui te met en colère? Pourquoi appeler Paul misérable? Pourquoi? Répondit M. Martin Rigal, incapable de se maîtriser. Parce que je tremble pour toi. Il m'a volé le cœur de ma fille, et je ne puis le lui pardonner que si tu trouves près de lui plus de bonheur que près de ton vieux père. Oui, je suis épouvanté, parce que si tu ne le connais pas, je le connais, moi. Du jour où tu me l'as désigné dans la foule, tous mes amis, tous les gens qui m'ont des obligations étaient sur pied. De ce moment, il a été entouré d'espions, surveillé, suivi. Je ne me suis pas contenté de connaître sa vie actuelle, on a fouillé son passé. Il n'a pas eu une pensée que je n'ai eue, pas prononcé une parole qui ne m'était rapportée. Je l'ai étudié. C'est-à-dire mes amis l'ont étudié avec une si scrupuleuse persistance qu'il ne cache pas au fond de sa conscience un secret que nous n'ayons surpris. Cependant, père, tu m'as dit qu'on n'avait rien trouvé contre lui. Non, rien. Seulement il est plus faible que le brin d'osier, plus inconstant que la feuille sèche qui tournoie au moindre souffle. Non, rien. Mais c'est un de ces êtres neutres, indécis pour le bien comme pour le mal, qui vont où les pousse, sans but arrêté, sans énergie, sans volonté. Tant mieux, ma volonté sera la sienne. Monsieur Martin Rigal sourit tristement. Tu te trompes, chère fille, comme toutes les femmes d'ailleurs. Tu crois que les natures faibles, hésitantes, vacillantes, sont celles qu'on gouverne le plus aisément. Erreur. On ne domine véritablement que les forts, de même qu'on ne s'appuie sûrement que sur ce qui résiste. Ferme la main sur un morceau de marbre, il ne t'échappera pas. Essaie de serrer et d'étreindre une poignée de sable, elle glissera entre tes doigts. Flavie se taisait. Son père, doucement, la saisit par la taille et la tira sur ses genoux. Écoute ton vieux père, fillette aimée, ton meilleur ami. N'as-tu donc pas confiance en moi? Ne sais-tu donc pas qu'il n'y a pas dans mes veines une goutte de sang qui ne soit à toi? Toutes mes pensées ne t'appartiennent-elles pas? Où elle va venir, sois prudente. Tiens-toi en garde contre une désillusion possible, impossible. Soit, mais alors, dans l'intérêt même de ton avenir, de ton bonheur, je t'en conjure, dissimule. Ne laisse rien deviner de ce qui se passe en toi, crains les trahisons de tes regards. Les hommes sont ainsi faits que, tout en se plaignant béatement de la duplicité des femmes, ils ne leur pardonnent pas la franchise. Crois-en l'expérience de ton vieil ami, souviens-toi que la sécurité absolue tue l'amour. Il s'interrompit, on sonnait à la porte de l'appartement. À ce coup de sonnette, tout le corps de Flavie vibra comme le timbre même sous le marteau. « C'est lui !» dit-elle d'une voix étranglée. « Lui !» Et faisant un effort, elle ajouta. « Je t'obéis, père, je me sauve. Je veux, avant de me montrer, tuer mon opinion et cette malheureuse sensibilité. Je reviendrai lorsque d'autres personnes seront arrivées. Sois sans inquiétude. Je vais te prouver que ta fille serait une comédienne, au besoin. » Elle s'enfuit comme la porte du salon s'ouvrait. Mais ce n'était point Paul. Ce premier arrivant était un ami de M. Martin Rigal, un gros fabricant, qui donnait le bras à sa femme, aussi parfaitement mise qu'insignifiante. Pour ce soir-là, le banquier avait cru devoir inviter une vingtaine de personnes. Un grand dîner expliquait et justifiait la présentation de Paul. En ce moment précisément, le protégé de B. Mascaro entrait chez le docteur Hortebise, l'honorable parrain qu'allait lui ouvrir les portes du monde. Paul ne se ressemblait plus. Il sortait des mains d'un tailleur en renom, et même c'était là ce qu'il avait retardé. Grâce à l'influence du digne placeur, ce tailleur avait en 48 heures exécuté un de ces costumes de soirée qui, à première vue, décident un mariage. Le moelleux des étoffes, la perfection de la coupe, la richesse des accessoires, mettaient en relief tous les avantages de Paul et rehaussaient sa bonne mine naturelle. Peut-être était-il un peu gêné par ces élégances si nouvelles, mais à l'âge qu'il avait, ou plutôt qu'il paraissait avoir, cet embarras qu'on devait prendre pour de la timidité était une grâce de plus. En tout cas, il était si bien que le docteur, en le voyant, eut un sourire approbatif. « Décidément, murmura-t-il, Flavie a bon goût. » Puis, interrogeant Paul qui s'excusait d'arriver en retard, « Il n'y a pas de mal, asseyez-vous, le temps de mettre une cravate fraîche et je suis à vous. » Laissé seul par le docteur, qui venait de passer dans son cabinet de toilette, Paul Violaine s'assit ou plutôt se laissa tomber lourdement sur un fauteuil. Il était harassé de fatigue. Depuis 5 nuits, il ne dormait pas. Dès qu'il se couchait, une fièvre terrible s'emparait de lui, le brûlait et le chassait de son lit. C'est que si son corps était gêné dans ses beaux habits neufs, sa pensée se débattait à la torture, au milieu des angoisses d'une situation impossible, absolument imprévue. Son honnêteté, qu'il vantait à Rose d'un air si sûr de soi, avait été mise à l'épreuve et n'avait pas résisté. Quand, au sortir de chez l'illustre Van Kloppen, Paul avait dit au placeur « Je suis à vous ». Il avait obéi aux inspirations de sa vanité blessée et de ses rancunes. D'ailleurs, il était encore étourdi de la terrible puissance du placeur, ébloui des regards de Flavie, fasciné par ces fantastiques millions qu'on faisait miroiter à ses yeux. Le soir seulement, il fut épouvanté, en se demandant de quel ténébreux dessein il devenait l'instrument, en songeant à cet engagement qu'il ne pouvait plus reprendre. Mais le lendemain, il avait dîné avec son protecteur chez Hortebise, et la certitude de la complicité active de cet excellent docteur l'avait décidé à étouffer les dernières convulsions de sa conscience. C'est ainsi, selon les sphères où il se trouve, le vice, il faudra dire le crime, peut être une provocation ou un salutaire enseignement. Laid, sale, idiot, abattu, il répugne et raffermit la vertu chancelante. Riche, heureux, spirituel, triomphant, il éveille dans l'âme des faibles de furieuses jalousies caressées par l'espoir de l'impunité. Le luxe du docteur, ses façons d'homme du monde, son importance, ses paradoxes ingénieux à l'endroit des préjugés du code, devaient achever la besogne de corruption du digne B. Mascaro. Je ne serais qu'un sot, pensait Paul, si je luttais, si j'hésitais encore, quand ce médecin que je vois riche, heureux, honoré, n'a pas de scrupules. Il eût hésité, cependant, s'il eût su quelle relique renfermait ce médaillon d'or qui battait le ventre prospère du prudent associé de l'honorable placeur. Mais Paul ne pouvait savoir, et admis pour la première fois à l'intimité d'une vie large et facile, il admirait le magnifique appartement du docteur, qui occupe tout le premier étage d'une vieille maison de la rue du Luxembourg. Dès l'antichambre, on devine l'égoïste aimable, le spirituel épicurien, qui ne croit perdu ni le temps ni l'argent qu'il dépense à ouater son bien-être. « Je veux être logé comme cela, » s'était dit Paul, mordu au cœur par toutes les vipères de l'envie. Le docteur reparut, vêtu comme toujours lorsqu'il va dans le monde, avec la dernière recherche. « Je suis à vos ordres, » dit-il au protégé de B. Mascaro, devenu le sien. « Partons, nous n'arriverons que bien juste à l'heure. » Dans la cour, la voiture du docteur, un coupé Binder attelé d'un vigoureux trotteur, attendait. En s'installant sur les coussins, Paul se disait « J'aurais aussi un coupé comme celui-ci. » Mais si le jeune homme oubliait pour des chimères les choses positives, le docteur qui avait reçu ses instructions veillait. « Voyons, » commença-t-il dès que la voiture fut dans la rue, « causons peu, mais bien. On vous offre une occasion telle que bien des fils de famille n'en trouvent pas une pareille en leur vie. Il s'agit d'en profiter. « J'en profiterai, » répondit Paul avec une nuance de fatuité. « Bravo. Mon cher garçon, j'aime cette audace juvénile. Seulement, permettez-moi de la doubler de ma vieille expérience. Et pour commencer, savez-vous juste ce que c'est qu'une héritière ? Je pense, monsieur. Laissez-moi parler. Une héritière, fille unique surtout, est le plus ordinairement une jeune personne fort désagréable, capricieuse, fantasque, pénétrée de ses mérites et complètement affolée par les adulations dont elle a été l'objet dès sa plus tendre enfance. Certaine, grâce à sa dot, de ne pas manquer de mari, elle se croit tout permis. « Oh !» fit Paul singulièrement refroidi. « Serait-ce le portrait de Mademoiselle Flavie que vous m'esquissez là ?» Le docteur eut un franc éclat de rire. « Pas précisément, » répondit-il. « Je dois vous prévenir que notre héritière a son grain de fantaisie. Je la crois, par exemple, très capable de faire tout pour tourner la tête d'un soupirant, à la seule fin de le planter là après, et de s'égayer de son air déconfit. » Paul, qui jusqu'à ce moment n'avait examiné que les côtés brillants de l'aventure, fut consterné de cet envers qu'on lui montrait et qu'il n'avait pas soupçonné. « Si c'est ainsi, » demanda-t-il tristement, « à quoi bon me présenter ? Mais pour que vous réussissiez donc ? N'avons-nous pas tout ce qu'il faut pour cela ? Il se peut que Mademoiselle Flavie vous accueille avec une distinction flatteuse. N'en tirez aucune conclusion immédiate. Elle se jetterait à votre tête que je vous dirais « Doutez, soyez prudent, c'est peut-être un piège. » Entre nous, une fille qui possède un million est bien excusable d'essayer de savoir au juste si c'est à elle que s'adressent les hommages ou à son argent. La voiture s'arrêtait, ils étaient arrivés rue Montmartre. Après avoir donné à son cocher l'ordre de venir le reprendre à minuit, le docteur entraîna son protégé. Paul était si ému au moment de la démarche décisive qu'il ne pouvait parvenir à mettre ses gants. Il y avait 15 personnes dans la maison du banquier quand le domestique annonça M. le docteur Hortebise et M. Paul Violaine. Si Martin Rigal détestait l'homme choisi entre tous par sa fille, il n'y parut guère à sa réception. Après avoir serré la main de son vieil ami le docteur, il le remercia avec une effusion bien sentie de lui présenter un homme aussi distingué que M. Violaine. Cet accueil rendit à Paul une partie de son assurance perdue, mais il avait beau regarder, il n'apercevait pas Mademoiselle Martin Rigal. Le dîner était pour 7 heures. À 7h05 seulement, Flavie parut et fut aussitôt entourée par les invités. Elle avait réussi à cacher sa sensibilité. Si émue qu'elle fût, elle dominait son émotion et ses yeux, en s'arrêtant sur Paul, qui s'inclinait devant elle, exprimaient une indifférence parfaite. M. Martin Rigal ne s'attendait certes ni à tant d'énergie ni à tant de réserve. Mais Flavie avait médité ses dernières paroles et compris leur justesse. Placée assez loin de Paul, à table, elle eut le courage de s'abstenir de le regarder. Après le dîner seulement, lorsque les tables de whist furent organisées, Flamie osa s'approcher de Paul et d'une voix tremblante, elle lui demanda de faire entendre au piano quelques-unes de ses compositions. Paul était médiocre exécutant, sa musique ne valait pas grand-chose, et pourtant Flavie l'écoutait avec un recueillement béatifique comme si Dieu lui eût envoyé un de ses anges pour lui donner une idée des symphonies célestes. Assis l'un près de l'autre, M. Martin Rigal et le docteur Hortebise suivaient d'un regard plein de sollicitude les émotions de la jeune fille. « Comme elle l'aime !» murmurait le banquier. Et ne savoir juste les pensées de ce garnement qui certes ne se doute pas de son bonheur. Bast, Mascaro le confessera demain. Le banquier ne répondit pas. Je crois que demain, reprit le docteur, ce cher Baptistin aura diablement de l'occupation. À 10 heures, conseil général. Nous verrons donc enfin le fond du sac de notre ami Catnac. Je suis curieux aussi de voir quelle figure fera le marquis de Croisenois, quand on lui apprendra ce qu'on attend de lui. Cependant, l'heure s'avançait, et les invités se retiraient un à un. Le docteur fit un signe à son protégé, et ils sortirent ensemble. Flavie, ainsi qu'elle l'avait promis, avait été si bonne comédienne que Paul se demandait s'il devait croire et espérer.